Chapitre 40. La piété filiale et le respect des liens du sang. Allah Ta'ala dit: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur et les esclaves en votre possession. Sourate 4, verset 36. Craignez Allah au nom duquel vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Sourate 4, verset 1. Qui unissent ce qu'Allah a commandé d'unir. Sourate 13, verset 21. Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères. Sourate 29, verset 8. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « fille » et ne les brusque pas. Mais adresse-leur des paroles respectueuses et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. » Sourate 17, versets 23-24. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, vers moi est la destination. Sourate 31, verset 14. 312. Abu Abdirrahman, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporte avoir interrogé le prophète, alayhi salatu wassalam, « Quelle œuvre est la plus aimée d'Allah Ta'ala ?» Il me répondit, la prière accomplie à l'heure prescrite. Je dis, et ensuite? Il répondit, la piété filiale. Je dis, et puis? Il répondit, le combat pour la cause d'Allah. Al-Bukhari et Muslim. 313. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, personne ne pourrait être suffisamment reconnaissant envers son père à moins de le trouver à l'état d'esclave, puis de le racheter pour l'affranchir ensuite. Muslim. 314. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Que celui qui croit en Allah et au jour dernier reçoive généreusement ses hôtes. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne rompe pas les liens du sang. Et que celui qui croit en Allah et au jour dernier disent du bien ou se taisent. » Al-Bukhari et Muslim. 315. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Lorsque Allah Ta'ala eut parachevé la création, les liens du sang, Rahim, se levèrent et dirent « Ceci est la place de celui qui cherche refuge auprès de toi contre la rupture des liens du sang. » Allah dit « Oui. » Ne seriez-vous pas satisfait si je maintenais les liens avec ceux qui maintiennent les liens du sang et si je rompais les liens avec ceux qui les rompent? Ils dirent, si, nous en serions satisfaits. Allah dit, alors je le ferai pour vous. Puis le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ajouta, récitez si vous le voulez ce verset. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits et rendu sourd et aveugle. Sourate 47, versets 22-23. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version d'Al-Bukhari, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Allah Ta'ala a dit « Je maintiendrai les liens avec ceux qui maintiennent les liens du sang, et je romprai les liens avec ceux qui rompent les liens de parenté. » 316. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte qu'un homme vint voir le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en lui demandant « Ô messager d'Allah, qui mérite le plus que je m'occupe de lui ?» Il, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Ta mère ». L'homme demanda à nouveau « Et qui ensuite ?» Il, alayhi salatu wassalam, répondit « Ta mère ». L'homme réitéra sa question « Et puis qui ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit à nouveau « Ta mère ». L'homme demanda encore « Et qui ensuite ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit cette fois-ci « Ton père ». Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, il demanda « Ô messager d'Allah, qui mérite le plus que je m'occupe de lui ?» Il, alayhi salatu wassalam, lui répondit « Ta mère, puis ta mère, puis encore ta mère, puis enfin ton père, puis le reste de ta famille de proche en proche. » 317. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, que soit humilié celui dont les parents ou l'un d'eux atteignent l'âge de la vieillesse de son vivant et qui, malgré cela, n'entre pas au paradis, pour ne pas avoir été bon avec eux. » Muslim. 318. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, un homme a dit « Ô messager d'Allah, j'ai des proches parents avec lesquels j'essaie de maintenir les liens du sang, mais qui les rompent, que je traite avec bonté, mais qui me traitent mal, avec lesquels je suis bienveillant, mais qui sont durs avec moi. » Il, alayhi salatu wassalam, répondit « Si ce que tu dis est vrai, c'est comme si tu leur faisais manger des cendres chaudes, et Allah te soutiendra contre eux tant que tu agiras ainsi. » Muslim. 319. Selon Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui souhaite obtenir généreusement les faveurs d'Allah et vivre longtemps, qu'il entretienne les liens de parenté. » Al-Bukhari et Muslim. 320. Anas, radiyallahu anhu, rapporte « Abu Talha, radiyallahu anhu, était celui des Ansar qui possédait le plus de palmiers à Médine. La palmeraie qu'il aimait le plus se nommait Bayraha et se trouvait en face de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier, alayhi salatu wa sallam, avait l'habitude d'y entrer et de boire de son eau qui était bonne. » Anas radiyallahu anhu poursuivit. Lorsque fut révélé ce verset « Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez », Abu Talha se rendit auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et lui dit « Ô messager d'Allah, Allah Ta'ala t'a révélé, vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Et le bien que je chéris le plus est Bayraha. Je la donne donc en aumône pour Allah Ta'ala, dans l'espoir d'en être récompensé et qu'elle me soit utile auprès d'Allah Ta'ala. Fais-en usage, ô messager d'Allah, selon ce qu'Allah te prescrira. » Admiratif, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'exclama « Voilà un bien qui rapporte, voilà un bien qui rapporte. J'ai bien entendu ce que tu as dit, mais je te recommande plutôt de l'offrir à tes proches. » Abu Talha dit « Je le ferai, ô messager d'Allah. » Et il la partagea entre ses proches parents et ses cousins. Al-Bukhari et Muslim. 321. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, un homme se rendit auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, en lui disant « Je fais le serment d'allégeance d'émigrer à Médine et de participer au djihad, tout cela à la recherche de la récompense d'Allah Ta'ala. » Il, alayhi salatu wassalam, lui demanda « L'un de tes parents est-il encore vivant ?»« Oui, mes deux parents sont vivants, » répondit l'homme. Il, alayhi salatu wassalam, demanda « Recherches-tu vraiment la récompense d'Allah Ta'ala ?» L'homme répondit par l'affirmative. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui dit « Retourne alors auprès de tes parents et sois bon envers eux. » Al-Bukhari et Muslim, dont c'est la version. Selon une autre version d'Al-Bukhari et de Muslim, Un homme se rendit auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, pour lui demander l'autorisation de participer au djihad. Le prophète, sallallahu alayhi wasallam, l'interrogea. « Tes parents sont-ils vivants ?» Il répondit par l'affirmative. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit « Que tes efforts, en arabe djihad, soient tournés vers eux. » 322. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit le wasil, l'homme qui maintient vraiment les liens de parenté, n'est pas celui qui ne les préserve qu'avec ses proches qui ne les rompent pas avec lui, mais c'est celui qui les maintient même si ses proches rompent avec lui. Al-Bukhari. 323. D'après Aisha, radiyallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit les liens du sang, ar-Rahim, sont suspendus au trône, disant « Qu'Allah maintienne les relations avec celui qui nous maintient et qu'il rompe les liens avec celui qui nous rompt. » Al-Bukhari et Muslim. 324. Maymouna bint al-Harith, radiyallahu anha, l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte avoir affranchi l'une de ses esclaves sans l'autorisation du prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsque vint son tour, la nuit que le prophète alayhi salatu wassalam passait chez elle, elle lui dit « As-tu remarqué au messager d'Allah que j'ai affranchi mon esclave ? » « L'as-tu vraiment fait ? » demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle. Il lui dit alors « En vérité, si tu l'avais offerte à tes oncles maternels, ta récompense aurait été bien plus grande. » Al-Bukhari et Muslim. 325. Asma bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma rapporte « Ma mère, qui était polythéiste, me rendit visite à l'époque de la trêve de Hudaybiyah entre le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et les païens de la Mecque. Je consultai le messager d'Allah en lui demandant « Ma mère est venue me voir pour un besoin. Dois-je maintenir nos liens du sang ?»« Oui, » répondit-il, « maintiens tes liens avec elle. » Al-Bukhari et Muslim. 326. Zainab al-Thaqafiyya, la femme de Abdullah ibn Mas'ud, rapporte. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Ô femmes, faites l'aumône et s'il le faut, de vos bijoux. » Zainab ajouta « Je retournai auprès de Abdullah ibn Mas'ud et lui dis « Tu es un homme pauvre et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, vient de nous ordonner de faire l'aumône. Rends-toi donc chez lui » et demande-lui s'il m'est permis de t'en faire bénéficier, sinon je la donnerai à quelqu'un d'autre. » Abdullah répondit « Va plutôt toi le voir à ma place. » Arrivé devant la porte du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, je trouvai une femme des Ansar venue avec la même interrogation. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wassalam, nous inspirait un si profond respect que Bilal dut sortir à notre rencontre. Nous lui dîmes « Va voir le messager d'Allah et informe-le qu'il y a deux femmes devant sa porte qui demandent s'il leur est permis de donner l'aumône à leur mari et aux orphelins sous leur tutelle, mais sans l'informer de notre identité. » Bilal entra chez le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, puis l'interrogea. Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wassalam, demanda « Qui sont-elles ?» Bilal répondit « Une femme des Ansar et Zainab. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demanda « Laquelle des Zainab ?» Bilal répondit « La femme de Abdullah. » Il, alayhi salatu wa sallam, dit « Elles auront deux récompenses, celle de la parenté et celle de l'aumône. » Al-Bukhari et Muslim. 327. Abu Sufyan Sakhr ibn Harb, radiyallahu anhu, rapporte que lorsqu'il fut longuement interrogé par Héraclius, l'empereur des Romains, au sujet des enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam, il lui répondit « Il nous ordonne d'adorer Allah seul sans rien lui associer et de renoncer aux pratiques et aux croyances de nos ancêtres. Il nous ordonne aussi d'accomplir la salat, d'être sincère, vertueux et de ne pas rompre les liens du sang. » Al-Bukhari et Muslim. 328. D'après Abu Dhar, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Vous allez conquérir l'Égypte, où le kara, qirat, est fréquemment employé. Soyez bienveillants envers ses habitants, car ils ont des droits ainsi que des liens de sang avec vous. Dans une autre version encore, lorsque vous l'aurez conquise, traitez bien ses habitants, car ils ont des droits ainsi que des liens de parenté ou des liens de mariage avec vous. Muslim. Les savants ont expliqué l'origine de ces liens du sang en soulignant que Hajar, la mère d'Ismaïl, le père des Arabes, était originaire d'Égypte. Les liens de mariage ont quant à eux pour origine Maria, la mère d'Ibrahim, fils du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui était également égyptienne. 329. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, lorsque ce verset fut révélé, « Et avertis les gens qui te sont les plus proches », sourate 26, verset 214, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, appela les gens de Quraysh qui se rassemblèrent. Il interpella dans un premier temps toute la tribu, puis certains clans en particulier, disant « Ô Bani Abd Shams, ô Bani Ka'b ibn Luhay, sauvez-vous du feu. Ô Bani Murra ibn Ka'b, sauvez-vous du feu. Ô Bani Abd Manaf, sauvez-vous du feu. Ô Bani Hashim, sauvez-vous du feu. Ô Bani Abdel Muttalib, sauvez-vous du feu. Ô Fatima, sauve-toi du feu, car je ne pourrai rien pour vous contre la colère d'Allah, excepté en vertu de nos liens du sang que je maintiendrai. » Muslim. 330. Abu Abdillah Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, a dit: J'ai entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, annoncer haut et fort: Les membres de ce clan, qu'il cita, ne sont pas mes alliés. Mes alliés sont Allah et les croyants vertueux. Cependant, il y a entre nous des liens de parenté que je maintiendrai. Al-Bukhari et Muslim. 331. Selon Abu Ayyub, Khalid ibn Zayd al-Ansari, radiyallahu anhu, un homme demanda au prophète, alayhi salatu wassalam, « Ô messager d'Allah, indique-moi des œuvres qui me fassent entrer au paradis et m'éloignent de l'enfer. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, « Adore Allah sans rien lui associer dans son adoration. Accomplis la salat, acquitte-toi de l'aumône légale, la zakat, et maintiens les liens du sang. » Al-Bukhari et Muslim. 332. D'après Salman ibn Amir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Que l'un d'entre vous rompe son jeûne avec des dattes, car elles sont une bénédiction. S'il n'en trouve pas, alors avec de l'eau, car elle purifie. S'il n'en trouve pas, alors avec de l'eau, car elle purifie. Puis il ajouta, alayhi salatu wassalam, L'aumône donnée aux pauvres n'est récompensée qu'une seule fois, alors que celle donnée à un parent est doublement récompensée. La récompense de l'aumône est celle des liens du sang. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan. 333. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, rapporte: J'avais une femme que j'aimais, mais que Omar, radiyallahu anhu, son père, détestait. Il m'ordonna de la répudier, mais je refusai. Omar, radiyallahu anhu, se rendit alors auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, et lui raconta notre différend. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'ordonna alors de la répudier. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan Sahih. 334. D'après Abu Darda, radiyallahu anhu, un homme vint le voir en lui disant, « Ma mère m'ordonne de répudier mon épouse. » Abu Darda lui dit qu'il avait entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Le père est la porte principale du paradis. À toi de choisir si tu veux perdre cette porte ou bien la préserver. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 335. D'après Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: La tante maternelle a le même rang que la mère. At-Tirmidhi a dit Hadith Hassan Sahih. On pourrait citer dans ce chapitre bien d'autres traditions prophétiques authentiques et connues, comme le Hadith des gens de la caverne, numéro 12, celui de Jurayj, numéro 259. D'autres que j'ai omis par souci de concision est le long hadith, l'un des plus importants sur ce thème, rapporté par Amr ibn Abasa. Nous citerons entièrement ce hadith, plein d'enseignements sur l'islam et le bon comportement, dans le chapitre sur l'espoir, si Allah le veut. Amr ibn Abasa y rapporte notamment « Je me suis rendu chez le prophète alayhi salatu wassalam, à la Mecque au début de son avènement en lui demandant « Qui es-tu ?»« Un prophète » répondit-il alayhi salatu wassalam. « Qu'est-ce qu'un prophète » demandai-je. « Allah Ta'ala m'a envoyé » expliqua-t-il alayhi salatu wassalam. « Pourquoi t'a-t-il envoyé » dis-je. « Pour ordonner aux gens de respecter les liens du sang, briser les idoles et adorer Allah seul sans rien lui associer, » dit-il alayhi salatu wassalam. Puis il cita le reste du hadith, « Et Allah est le plus savant. »